traîne dans la nuit, elle traîne dehors. Comme si elle avait besoin de personne. Pirate navigue dans les rues de sa ville. Elle pense qu'elle vaut de l'or. Elle aussi avide des rêves. Voulait juste faire de l'oseille. Faut qu'elle veste qui les problèmes. Mais elle a tant besoin d'elle. Où elle doit faire des tâches. Plein de soucis dans la tête. Faut qu'elle en parle. Parfois se dit qu'il faut qu'elle parte. Avant qu'il soit trop tard. Elle est bloquée, bloquée. Dans sa paranoïa. Le diable se cache dans le détail. On l'appelle à minuit où qu'elle aille. Cendrillon perd son talon. Souffle dans le ballon. Cendrillon perd son talon. On l'appelle à minuit. Mais n'a pas perdu son talent. Fait péter le joint copilote. C'est la fumée noire qui nous balade. Elle fait du cash, ne fait pas du fer. Sacrée candidate. Et quand sa famille s'en mêle, elle dit moi je veux m'en sortir. Va doucement, Cendrillon ne bronche pas. Ne fais pas de constat. Que des cauchemars. N'écoute pas que la victoire. Va doucement, là-bas il fait tout. Dans sa paranoïa. Elle est bloquée, bloquée, bloquée. Le diable se cache dans le détail. On l'appelle la.